Je me rappelle à l'ancienne, mon motard des gangs faisait de la peine. Le frigo était en panne et Bendero était ta freine. Ton papa était pas là à la maison, t'en voulais. Toi tu me diras que c'était pas voulu pendant que je dormais chez la volée. Je me rappelle à l'ancienne, y'avait papa, c'était parfait. Je me rappelle ton parfum, à l'époque t'étais mon parfum. C'est toi le parrain, t'étais pas fou. Mais alors dis-moi, qu'est-ce t'as foutu? Tes enfants, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Un homme, ça paye jamais son fruit. Toi tu me diras, c'est pas ta faute. Façon papa, tu joues de la flûte. Lui ton fils paye les francs, il fait du fric, c'est pour maman, c'est pas la même, ça c'est mon monde. Moi depuis môme, j'ai pas bonne mine. Papa, tu m'as lâché la main, il était tôt, fallait être mûr. J'avais 8 ans devant mon miroir et je me suis dit, je serais plus mineur. Car le minimum, c'était de manger, j'étais mignon, mais déjà malin. Sous moi, ça battait le malheur. Je revois les yeux de mes petites sœurs, les gouttes de sel aux joues de maman, c'est bien la seule qui nous aimait. Je me rappelle à l'ancienne, quand mon papa, il est parti. Je te jure, je t'ai cherché partout, mais dans la rue, je t'ai pas trouvé. J'avais encore moi trouvé de travail, j'étais trop jeune, gros, tu connais. Oh, tiens que ça connaît la musique, je paye qu'être j'en parle et puis je rafale. Je me rappelle à l'ancienne quand mon papa il est parti. Je te jure je t'ai cherché partout mais dans la rue je t'ai pas trouvé. J'avais encore moi trouvé de travail, j'étais trop jeune gros tu connais. Oh tiens que ça connaît la musique, je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Au poste la squale fait du raffut pour des refus, pour le refou. Papa j'attendais ton retour, moi personne n'a su me retenir. Momo va plus assez retenu, dès 10h j'étais sur le rinté. Sur la rue de la tentation et là les sirènes retentissent. Ton papa t'étais pas là au palais pour du pilon. Je t'inculpais de séquestration. En promenade, je fais des tractions. Et avec maman, j'étais tricma. C'est pas hit, c'est pas Matrix. Derrière l'œil, ton t'as un maton. T'as dû faire celui qui savait pas. Mais t'as un bandit qui savait tout. D'ailleurs, je t'en veux depuis le début. Je te le dis, je m'en fous. Gagner le débat. Papa, ton fils, il a vie dure. À cause de la vie, j'ai du débit. Moi aujourd'hui, gros, je suis debout. Dans le fils, ton froid vend plus des 12. Va à la Fnac, tu trouves son disque avec maman. Devant les decks, papa de haine, je te fais un doc. La seule qui nous remplit, c'est le beat. Papa, t'étais pas là, mais je me rappelle que t'es parti. Quand tard le soir, je fous mon pétou. Je me dis de là, tout a pété. Je me rappelle à l'ancienne quand mon papa il est parti. Je te jure je t'ai cherché partout mais dans la rue je t'ai pas trouvé. J'avais encore moi trouvé de travail, j'étais trop jeune gros tu connais. Oh tiens que ça connaît la musique, je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Je me rappelle à l'ancienne quand mon papa il est parti. Je te jure je t'ai cherché partout mais dans la rue je t'ai pas trouvé. J'avais encore moi trouvé de travail, j'étais trop jeune gros tu connais. Oh tiens que ça connaît la musique, je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Papa j'ai grillé dans le refou. Je me rappelle à l'ancienne quand mes petites sœurs étaient terrennes. Le passé c'est de la poussière mais sache que le passé je l'oublie pas. De façon papa j'ai que ça tôt, au fait ton petit s'en est sorti. Je me rappelle à l'ancienne quand mon papa il est parti. Je te jure je t'ai cherché partout mais dans la rue je t'ai pas trouvé. J'avais encore moi trouvé de travail, j'étais trop jeune gros tu connais. Oh tiens que ça connaît la musique, je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Je me rappelle à l'ancienne quand mon papa il est parti. Je te jure je t'ai cherché partout mais dans la rue je t'ai pas trouvé. J'avais encore moi trouvé de travail, j'étais trop jeune gros tu connais. Oh tiens que ça connaît la musique, je paye qu'être j'emballe et puis je rafale. Oh tiens que tu connais la musique, je paye qu'être j'emballe et puis je rafale gros.